Oui. Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM, canalsud.net. C'est nuisance. Nuisance. Papillon de nuit. Ça, c'est une émission qui... Quand j'entendrai... Le casque est là. Pour entendre. Le casque est là pour entendre la nuit. M'entends-tu, nuit ? On entend la nuit. Nuit de jour, nuit de nuit. On entend que 24 heures sur 24. Je sais pas comment parler. De la terre qui nous tient tant à cœur, la terre qui nous prête vie, la terre qui apporte tout ce que tu espères, la vie, l'espérance, le donner du cœur et de quoi manger et vivre. La terre dont tu te sers, la terre qui, pour certains, ne ressemble à rien. Et ces gens-là, nous en sommes fâchés. Honnête, je le suis à certaines limites. Ben. Tiens, voilà. Ce à quoi? Ben, tiens. Je te ressens, tu crois? Je suis un être abouti et nous ressemblons à pas grand-chose. Dans ton débat obscur de domination. Ah ben non, non je peux pas. Non oui, tu me sous-dois. Oui, ceci, cela. L'ordure est de ce monde. Et n'est pas gentil, il veut te posséder, te dominer et faire de toi toute clarté. Non, je possède, je domine, j'ai. Ah ben bien, voilà qui nous est introverti. Et où tu crois où là? On va faire le contraire. Que c'est bon, pas quoi, ce à quoi tu veux faire, dominer, ah ben bien, voilà l'excellence. Moi je suis un enfant, à nouveau depuis ce matin. Ah, dur, donc, et je laisse tomber. C'est trop grave. C'est nuisance. Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM. Nous sommes à peu près le vendredi septembre 2011. On peut dire vrai. Ces nuisances s'appellent HLM. C'est là où je suis né, au milieu de tout mon quartier, sans comprendre très bien ce qui m'arrivait. Il y avait Jean-François Tricheleau, surnommé Tricheleau. Il y avait les frères Brignon, il y avait Jean-Pierre Thierry. Et l'autre s'était donné, avant une belle vitesse, etc. Rien, quoi! Rien! On ressemble à quoi? À la chose auquel on prépare. Ouais, c'est ennuyant. Je sais pas. Moi, je me rappelle des échelons de ma grand-mère. Dans le cas, j'étais toujours bien reçu. Je me rappelle de ce petit con qui voulait diriger, décider et obtenir. C'était vraiment très embêtant. Je me rappelle d'une fois où j'ai très peur d'un homme. C'était Zorro, le vrai. Il est venu me voir. Ah, j'ai cru que c'était un brillant. Un sombre dur. Quoi? Un mec qui avait dans les mains la délinquance et qui utilisait. Il est venu me voir. Ah, tiens, j'ai eu peur, c'est un brillant. Paraît qu'il s'est pendu le jour de ses 18 ans dans les HLM, dans la chaîne de sa maman. Ouais, grave. Je suis pas responsable, et lui encore moins. Mais par contre, ses frères, je les hais. Oui. Je t'écoute. Moi. Je vois bien. Personnellement, mes copines intérieures m'avaient dit ne viens pas. Ne viens pas. Je l'ai fait quand même. C'est beaucoup dommage. Je sais pas. Mes copines intérieures, c'est comme Séraphin de Pilote, le genre qui s'amuse à réfléchir. J'aurais dû obéir, mais mon de chance, j'en peux plus. Je suis venu, c'est tout. Donc, je vous envoie tous à maternité. On l'a écrit à mon meilleur ami. C'est bon. Laissez-moi. Je vous prie de prier de voir venir le sauveur, parce que moi, j'en peux plus. Frère, tout va vous être accordé, tout. Mais manque de chance pour réaliser le coup. Et ça, c'est pas une mince affaire. Et ça, c'est dommage de le rater. Moi, en principe, je suis muette. C'est complexe à expliquer. Personnellement, je ne sais pas très bien ce qui se passe. J'ai une info du Congrès français paraît qu'il y avait trois bombes nucléaires qui ont disparu lors de l'affaire d'Oakland, Greenpeace. Paraît qu'elles sont basées. J'en ai retrouvé les trois. Ça n'a pas été ma affaire. Vous en connaissez, vous, beaucoup de mecs qui se soi-disant clochards qui ont la visite de la Syrie des chefs d'État et du contexte français. Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Moi, pas. Ouais. Ouais. Je ne suis pas absurde quand même. Et je vois pas pourquoi on m'a fait ça. C'est bien. Une folle qui aime me parler de Dieu. Ouais, Dieu, c'est moi. Mais elle m'a raconté que Dieu n'est pas la personne qui me montrait toujours l'est. Que l'important, c'était la pensée positive. Qu'il est guéri, qu'il voulait. Et que sa croix était verte et que moi c'était passion sur sa veste. C'est ennuyant. Le lendemain j'étais devant le soleil. Montre-moi l'est. Ma tête pivotée vers la droite. Oh putain, c'est marrant. Recommence. Il a recommencé. Putain, mais t'es juste. Allez, ensemble. Restons béton, parce que personne n'est d'accord. Ouais. J'ai été kidnappé par une force occulte et avec laquelle je n'ai pas le choix. Et en plus d'univers chimique, j'ai vu ce que peut représenter l'enfer éternel. Là, tu l'écrases, tu continues à faire ce qu'il te demande. Je ne sais pas. Allez, allons-y. Elle s'est contactée, l'esclave qui voulait retrouver sa liberté. C'est très ennuyant. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, il est 22h-10, c'est nuisance. Thank you. de FM ou Canal Sud.net, c'est Nuisance. Avec un S entre parenthèses à la fin. L'émission de toutes les nuisances. L'émission qui nuit au sens. Il vous reste à peu près 8 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 seconde avant 10h. Ça y est, il est 10h. Nous sommes vendredi septembre, 10h. Nous sommes là pour vous emmener au ciel. Nous tous, c'est nous tous. De la circonscription à Théo. Si Théo s'appelle Théo, c'est qu'il a une bonne raison. Déjà demain, ça voulait dire Thierry, il est quelque part. Qu'il n'y avait que 3% d'eau potable sur la planète, ah ben ça sera un tiers d'eau. Le tiers du tiers en souvenir de sa femme décédée qui lui avait dit « Et pour sauver l'eau ». Nous allons donc sauver l'eau. Seul. Ou mal accompagné dans l'émission Nuisance, comme d'habitude. Émission qui nuit au sens, donc. Je cherchais pas de sens là-dedans, donc. Je n'en trouverai pas. Sauf celui de l'incohérence. Le sens de l'incohérence. Compatibilité peut-être avec la raison, raisonnée et raisonnable d'Aristote. Qu'en est-il, Ariste ? Eh ben rien. Eh bien, monsieur Toth, vous n'avez rien à dire, non ? Mince. L'animal du logos, ou compagnie peut-être, du devoir. La compagnie du devoir. Ben là, j'ai mes amis qui travaillent pour l'entreprise à côté d'ici. C'est l'ici. Donc, mes amis ont appris à chépin. Donc, voilà, l'eau, on protège, c'est tout, et c'est pas les seuls. Pour mes amis, j'ai fait, et m'a demandé à ce bébé, j'entends le janitien, ben, j'aurais fait une broche peinte. Une tortue ninja avec un couteau japonais, avec la bite en vrai. Ben bien. Géo Nico. Géo et où Gélo. Tu veux défoler, tu prends Nico. Steven Seagal. Cigales ou des fourmis, à vous de choisir. Ça, j'ai pas très bien compris. Je crois pas qu'il faut comprendre. Il faut pas comprendre, quoi. Je crois pas qu'il faille comprendre, quoi. La faille. Ah, il y a plein de trucs comme Gilbert Lafaille. Vraiment. Et il y a plein de trucs. Moi, ça fait 48 ans j'existe. Et que je me démène pour réussir à vivre dans ce monde cruel. J'ai commencé il y a très longtemps. J'avais 19 ans. J'ai débarqué dans un vrai jeune travailleur. Après, ça marchait pas. Comme je voulais, chez Bastien Autostop, direction Pagne. Le but, c'était les petits travaux, 3 mois, faire Faire quoi? Faire l'artiste? C'est ça qu'il faut faire? Non, c'est quoi? C'est faire la guerre? Faire la guerre? Absolument pas! Non, c'est quoi alors qu'il faut faire? Passer une maison. Faire le passeport, dégager en Amérique, et de là assumer. C'était le premier que j'avais. Finalement, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas marcher. Bam! C'est de la France. 16 ans des petits fruits. À l'âge de la ranche, 5 chevaux. Auberge à la ferme, site d'étape. On était vraiment bien à la montagne. Qui nous a baisé l'herbe? On sait pas avoir 25 kilos. Ça ne peut être que mon père qui, quand j'avais l'âge de 16 ans, sans savoir ce que c'était, ni d'aide ni d'adon. C'est un peu de la langue! C'est un peu de la J'ai pas Michel de Vos, mais j'ai des vitesses. Alors, c'est pas la première, c'est la deuxième que m'a tué mon père adoptif. Avec ma mère qui croyait que j'étais son fils qu'il avait mangé sous l'ange. Je viens d'apprendre la vérité, c'est totalement faux. Moi, c'est un fait, je suis salonneux, mais je suis de son amant. Elle, qui s'est fait manger par son fils, avait aussi un amant. Dans les deux cas, nous sommes quittes. Je lui veux pas de mal, parce que je suis pas méchant. Donc dans l'émission Nuisance, on n'entend absolument rien, rien n'est intelligible, c'est même inintelligible au plus haut point, je veux dire de ma part. Et nous sommes tous dans l'inintelligibilité, donc l'existence du prolifique. Le prolifique inintelligible. Inintelligible, pardon. Comme non éligible à la principauté monacale. Oui, nous sommes là. Nous sommes toujours là, de rigueur. Et de foisonnement initinérant. Nous sommes sédentaires, s'il en est une sédentarisation. Vous y êtes aussi. Dans le vide. Et ben moi, je suis muet. Nous présents dans un vide. Un vide. Un vide sidéral. Un vide tellement nul. Tellement nul à chier. Que l'on se crève les tympans de l'écouter. De l'entrevoir, on s'aveugle. C'est de ce vide-là que l'on parle. Quand on crève comme une merde. sur le trottoir de Paname, en déchirure obscène. Pas d'accord. Pas d'accord. Je ne sais pas tout à fait. Et il y a des gens qui s'occupent de ma situation et qui aiment mourir. Je sais pas comment dire. Nous sommes dans un système où le business est actuel, où on ne peut pas s'arranger sans être supérieur et avoir les moyens de... Moi, les amis pour qui j'ai tout fait, désolé, la boîte de Ravioli, c'est 80 centimes, la boîte de choucroute est à 1,25€, c'est bon. Et c'est bon. C'est les gens pour qui vous travaillez. Et où on a besoin de vous pour établir plein de trucs, que ce soit sur la terre entière, comme ici. Parce que tu es forcément, tu m'es utile, je t'oublie pas. Il y a tellement de choses qu'on ne soupçonne pas. L'émission, c'est pas une nuisance. Eh bien, moi, je m'appelle le culte. Au revoir. Elles sont correspondantes un peu. Si c'est un machin trop mèche, et va soit le courant quand tu dois cacher la poste faisant point. Moi je sais pas à quoi j'ai servi et le Dieu qui m'utilise me l'a dit. Je ne saurai jamais. Je ne sais pas. J'ai réussi à rattraper le coup de l'affaire Auckland en Australie sur le Rainbow York coulé par l'ennemi, le plan satanique. Je sais pas, moi j'ai pris dans la tête du contre-espionnage français qui te met une balle à 100 mètres dans la tête. C'est que t'es chef d'État, que sur l'affaire de Clon, c'est pas moi qui t'ai raconté, c'est ton mec de la serveuse. Ben voilà, il y a 3 bombes thermonucléaires qui ont disparu. L'affaire est résolue. J'ai pas demandé à être mis en enfer, quand même. Nous sommes donc en enfer. Oui. C'est très... L'enfer sur Terre. On n'est pas d'accord. Je sais pas, on écrit 12 lignes avec le Père éternel, comme il l'appelle pour moi. La première ligne, c'est il y a de plaisir qu'à travers le Créateur. Et il y en a une autre. C'est l'humanité n'est que le reflet des âmes égarées. À vous de vous voir dans votre miroir. J'aime autant vous dire, vous prévenir, comme une petite copine qui parle quand j'oserai sa parole, parce que moi j'entends la voix de femme, m'avait bien prévu. Et oh oh oh oh. Non, non, retourne chez toi. Nous sommes donc en direct sur une scène tribulatoire, peut-être, une tribulation dantesque, si on est une. Crever l'abcès. Les tribulations de Chine en Chine. Crevons l'abcès. Crevons donc l'abcès sur le territoire intransigeant, celui de la nomenclature. La nomenclature. Comme étiquette, donc, d'une passion déblatérante, toujours idiomatique ou exotique. Exogène. Exemple P. Oui, P4. P4, moi, dans le... Dans le temps, moi, personnellement, j'ai ma démission de ce qui s'appelle l'armée. C'est vrai. Non. Non, pas par le commissaire, par trois mecs de mon bureau. Et tu as ta démission. Merci, le salut. J'aurais jamais dû accepter. Jamais. Et maman, 30 ans, je pisse avec un tuyau. J'ai besoin de médicaments pour dormir. Je peux plus me droguer. Et en plus, j'ai plus le plaisir de l'alcool. La colle, le fléau de nos jours, la colle, scotch, UU, toutes ces colles Cléopâtre qui nous encollent, elles nous font fabuler. Fabuleuse colle, comme essence, térébenthine et autres éthers, prospéreront dans les jours à venir vu la crise économique qui nous absoudra de tout péché. C'est la crise. Crevons. L'abcès donc purulent de l'identité nationale. La nation. La nation crevant l'abcès. La patrie pareille. Crevons les abcès purulents. Crevons les abcès. Et oh, je crois savoir que la crise économique vient de celle qui m'a inoculé le Créateur en me l'appelant Dieu. Je ne sais pas, elle travaillait pour le une... Non, je n'ai pas fini. Elle travaillait pour une boîte chinoise à Yékin. En fait, c'était une boîte coréenne. Avec elle, on n'est pas sûr. Elle est européenne, entité. Elle est de 60, arabe, Marie-Carrie Bentaku. Donc, elle est pour une boîte chinoise à Yékin pour obtenir des réductions d'impôts ou aux entreprises de manière légale et que ça rapportait l'équivalent de 100 000 euros par mois actuellement. C'est vraiment très dérangeant. Je lui ai fait remarquer, mais c'est pas vrai pour les petites entreprises. Elle m'a fait si. C'est vrai, je vois si c'est un Patrice, mais moi, ce que je sais, d'après le cochon, la dépêche de midi, m'importe, c'est que pour que quand on était à Sucre, quand on était à quand on était de travailler pour un petit bout, quand on était artisan, c'est je me suis retrouvé. Quand on était artisan, d'après des pêches du midi, on ne gagne plus que 25% de ce que revient le chantier. Ah ben, elle a tué les petits boulots. Un artisan, en principe, c'est 45% du chantier. Le fric est en âme. Ah, je sais pas, il est tourné les affaires. C'est obligé. On n'y a rien plus. Votre truc aussi, c'est votre monde. Un sage mon patron. Je comprends pas pourquoi on te laisse crever. Vraiment pas. Et où je travaille pour toi. Moi, j'avais autre chose à faire que travailler à la sueur de mon front. C'est vrai. Moi, j'avais des ordres. Pas travailler, j'ai. Eh ben, non, je peux. Sauf que ma future est une incapacité au travail. Ça, c'est grave, quoi. Maintenant, je peux. Je réagis le coup. Ah bon? Ben, j'ai été embauché. Et j'avais pas le choix. Pas trop envie. On vous a interdit de vous mettre au service de la création. Non, parce que c'était pas simple. Les gens peuvent descendre de milliards, mais tu peux passer sous une voiture et de deux, il y a le créateur. Ça, c'est encore plus dur. Là, c'est l'enfer éternel, je l'ai vu. C'est ton âme qui brûle dans le soleil. Tu vois ça? Toi qui étais au service de l'univers, de l'écrase, et Dieu, tu laisses la question. C'est ça, ça ne peut pas. Il y a deux trucs qui vous dérangent. C'est vrai. Moi, ce que je sais, avec mon Dieu, le Créateur, merci. Je demande un truc que tu veux voir exaucer. Enfin, si jamais tu demandes la réplique, Je vais pas sur c'est tout. T'as pas laissé tomber. Non, t'as pas laissé tomber. Que je ferme la montée en me demandant à l'un appendement en me disant tiens, j'aurais dû essayer. Chouette. C'est vraiment dommage que ça ne revienne pas sur bon, on recommence. On verra bien. Ouais. Ouais. Comment faire un boule ? J'ai raté plein de femmes dans ma vie. Ouais. Je sais pas si j'aurai l'occasion d'en voir une autre. Mais je me rappelle surtout de cette époque où je suis mort. Ouais. Embrassé par les blondes, elle s'appelle Patricia. C'est Miss Univers. Ah, c'est mon moment très gênant que j'ai raté. Ouais. Non, mais ce n'est pas que l'aime. J'aimerais bien qu'elle passe un jour devant moi pour me rassurer. Parce que là, je l'ai vu après que je sois quitté au cimetière. C'est dans un lit satanique de viol qui va jusqu'à la zootrie. Là, j'ai menacé de tuer tous les responsables. J'ai senti le cœur de la Seigneur. Mais tiens, elle voulait tout. Elle a ma copine Wanda, d'un poisson nommé Wanda. De la cour d'Angleterre de Monty Python, sauvagement violé par un rebelleur. À l'âge de chantier, non, ça se passe pas comme ça. Bravo. Oui. Pas moyen de parler, il y a trop de bruit derrière. Il faudra abandonner, je crois. Abandonner, jeter l'éponge. Je suis pas d'accord. Bon, d'accord. Je suis toujours au registre de nuisance. Les nuisances que l'on nous a fait. Ça. C'est nous, nous sommes les nuisants. Les pirates nuisants. À la radio ce soir, pour l'anniversaire de Canal Sud, nous jouons le rôle de pirates. Nous avons donc des bandanas, des fausses jambes, d'autres trucs aussi. Des machins qu'on met devant les yeux là. Pour, avec des têtes de mort partout. Je ne comprends pas trop ce tempo. Parce que j'aime bien la radio qui raconte des choses. Nuisance pour moi, ça veut dire autre chose. Là, je suis intervenu. Je sais pas. Mes copines m'avaient dit non. J'étais pas d'accord. Voilà le résultat. Et c'est beau dommage. Vous aurez droit à Canal Sud tout à l'heure quand l'émission sera finie et nous en ferons le prochain. Qui sait, après tout, je peut-être. Peut-être qu'il n'y aura pas de nuisance la semaine prochaine. Oui. Peut-être qu'il n'y en aura pas après tout. Je ne sais pas si les auditeurs méritent des nuisances encore la semaine prochaine, je veux dire vendredi prochain, voilà. Donc j'ai décidé de ma part autocrate comme je suis. Allez. défaitiste, je vois pas pourquoi. Alléluia. C'est pour ça. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Allez. Alléluia. Allez. Alléluia. Alléluia. Ouais. C'est bien, Luya. C'est bien. La folie, donc, comme omniprésente dans l'esprit. La souffrance et aussi la nomenclature, si dorée, dorure, morue, al salée. Permanence, donc, dans l'autorisation de la permissivité. Qui dit nomenclature, dit nomenclatura aussi. Et la rance, c'est tout à voir avec la solidité, donc. Le rance. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est pour ça que je le mets à la radio. C'est pour ça que je le mets à la radio libre. Je suis un salaud de RG et je vais pourrir la radio libre. Donc je mets de la merde pour que les gens comprennent enfin que la radio libre c'est de la merde. Et qu'il faut buter les radios libres. Donc tout le but de nuisance, donc nuire à soi-même. Dans cette société individualiste, à qui nuire? À soi. Encore une fois, je vous donne un exemple. Nous montrerons ce soir que la débilité et la déblatérance ne font qu'une. Pardon. Un peu plus de base peut-être. La compréhension ne se fait pas juste, je l'entends bien. Les voix étant donc émancipées de leur fratricide réaction. Pourquoi ne pas tuer après tout? Pourquoi ne pas tuer? Il y a toujours une possibilité peut-être que... tuer ce fasse, ou ce fils, ou ce fusse. Peut-être la seule solution. Finalement, tuer donc la seule solution. Détruire, pour ne pas reconstruire. C'est vache. C'est vraiment vache. Mort aux vaches. Je ne comprends rien. Tout a très bien compris. Mais moi, non. Je ne cherche pas à comprendre. Je cherche l'incohérence, toujours, maîtresse de la situation. Spontanément con. De la vie, accidentelle, celle émise par une paire de cons. Sur une vache, comme tu le dis. Une si belle et si conne vache, qui mérite la pendaison, comme tous les autres veaux et vaches et cochons. Car certains animaux, ne l'oublions pas, sont plus égaux que d'autres. Citation, s'il en est une, Canal Sud 92.2 FM, précisons, ou canalsud.net, la situation. Le numéro de téléphone, 05 61 53 36 95. Oui, le téléphone était tout à fait décroché et bien le 05 61 53 36 95. Vous pouvez donc oublier ce numéro. À l'instant. Oubliez-le. Il vous reste une solution. Celle d'oublier le numéro de Canal Sud. Oubliez le numéro de Canal Sud. Vous avez tout à fait oublié, vous vous reposez dans votre bouffonnerie, oui, c'est cela, c'est bien. Vous êtes vraiment quelqu'un de formidable. Plus vite, plus fort, encore. à la maladie. Moi, je suis mort. Là. Cadavérique. Donc, je fais ce que je suis. J'aurais mieux fait d'écouter le message. D'accord, ma gueule. T'es méchant. Mais ma gueule, ma ouais. Gueule. J'ai le droit, non? Ouais, mais c'est vraiment nul. Quoi? Oui, c'est nul, je sais. T'es mal niqué, je vois pas. Non, j'ai pas niqué. Pourquoi. J'ai pas niqué. Je vois pas pourquoi tu rentres pas dans le jeu. Quel jeu? Ouais. Il y a des règles maintenant à la vie. Ah, les lois, tu veux dire ou... C'est pas légal ce qu'on fait. C'est pas légal, bordel de merde. C'est pas légaliste. Au moins. C'est libre. C'est la vie. C'est pas un jeu. On a le droit de rigoler quand même. Tu l'as étudié combien de temps ce sketch? Pour me dire. Je m'autonuis pour tenir. Ne l'oublie pas. Ça, je l'ai bien vu. Ah. Mais je comprends pas. C'est tout. Et je ne suis pas le seul. Eh, heureusement. C'est pas le but le de comprendre, pas, autant que je sache. Paradis avec. Non, non. J'ai déjoué. Mais le paradis ne comprend pas. Qu'il est fait. C'est là parce que moi je suis utilisé pour des trucs. J'ai pas rien, c'est comme ça. Ça fait 22 ans que ça dure. Et c'est pas bientôt fini. Vraiment. C'est pas moi qui bâche, je te préviens. On peut l'appeler le ciel. On peut l'appeler le ciel. Moi, j'ai comme cousine Maggie Balu, dont le père est mort en mer et dont la mère est morte d'un accident de cage d'escalier. Pour sa mère, elle s'appelait Maggie Tard. Tu penses? Elle avait dans la tête son père mort en mer. Donc, moi, c'est lamentable, c'est dégueulasse. Je comprends pas pourquoi. Parce que j'étais au sujet éternel. Tu mets des roues éternelles sur ton mort. Parce que j'aime bien. Il est malade. Parce que j'aime bien. Pourquoi au revoir sans plus d'espoir? On voit que c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Ouais, mais pour moi, c'est pas dommage. C'est marrant. Ouais, bon. Non, on comprend en plus. On comprend pas mieux ou pire, hein. Ça change rien en fait. On est toujours devant. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne sais pas. Je t'explique? Mais, explique. Bah c'est fait, je t'expliquais. C'est derrière nous, tout ça. Tout ce bruit, tout ce fatras d'immondices. Non. Pas les gens qui ont cours au quotidien. C'est pas les gens que tu aimes. C'est passé la journée, là. C'est la fin de la journée, là. Ouais, c'est passé. C'est bon. Ouais, c'est bon de même. T'es bien de nuisance. T'es gaspillé. Merci. C'est un compliment ou c'est un reproche? C'est la vérité. C'est l'honnêteté de le dire. n'y a pas que moi à te le dire. Est-ce la Corrépation vient de débarquer? Ça? La patronne? Elle est où la patronne? Elle vient là, patronne. Tu veux la voir? Regarde-la bien. Tu veux la voir, elle saigne. L'envol de la colombe. Elle saigne, ta colombe. Je la vois. Elle saigne, ma colombe. C'est pas la paix partout, quoi. On est qu'en chez ville. Moi, personnellement, j'ai chassé un oiseau quand j'étais gosse. Ouais, c'est vrai, je regrette. La pauvre bête. Hein. Elle était pas vraiment d'accord de se séparer. Suite à ça, on a Michel. Je vois Michel Delpech. Un mode de l'info. Par-dessus les temps, monter dans les nuages, la forêt chanter, le soleil briller, au bout des marécages. J'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Nous sommes en direct avec, on va l'appeler la créature, je sais pas, moi je la connais comme esprit de fécondité, rien d'autre, certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent le grand Manitou, d'autres l'appellent Allah, d'autres l'appellent le créateur. Pareil, c'est la fondation de l'univers. Moi, je l'appelle mon Katonka. Traduction, le grand esprit, le grand mystère. Et on a dit tout ce qui est Wakan. Ça veut dire tout ce qui est sacré. Et c'est le grand marabout. Arrêtez. Non, c'est la même chose à la fois. Tout ce que je sais, c'est comment passe sa place. Moi, je vais me venir en aide. Eh ben, j'ai perdu. On ne remplace pas ce qu'on aime. Mon Dieu. Dieu, merde, Dieu, t'es où? Dieu, vite. Je suis pas là. Non, c'est pas moi de manière aucune. J'ai besoin de toi. Ah, c'est bon. J'ai besoin de toi. T'as besoin de moi. T'entends? Mais personnellement, Dieu, c'est longue. Longue. En principe, j'aurais mangé ma mère. Moi, ce que je sais, j'ai la frontière. Derrière sur la personne. Moi, personnellement, je suis effectivement le fils à l'enjeu. Mais je suis le fils de celle qui allait pour un monde. Et je sais qu'il a fait manger sa mère au fils de sa femme, qui venait d'une autre couche. Enfin bref, c'est pas lui qui l'a enfanté, sa femme avait un amant. C'est moi qui en paye les conséquences. Je ne vois pas pourquoi. Je me sens vachement plutôt humilié. Ouais, ça m'étonne. Je ne suis pas le seul à qui s'étonne d'être accusé. Moi, personnellement, vis-à-vis de ma tante de grand-mère, je suis l'innocent du village. Bonjour. pas encore école une fille. Bonjour. Je sais pas. C'est vrai et c'est faux. Parce que elle est là. Parce qu'elle est de finir dans sa bouche. Mais il fait dans la bouche. J'étais chez ma grand-mère. Mal. Je suis peine. Elle était consentante. Elle n'avait strictement rien à foutre. Je suis désolé. J'ai fait le coup. J'ai perdu mon bord. Le bord est là. Elle avait oublié quand elle me touche à vous. Jamais. C'était environ 92. Pas un mot. Rien. Sinon, même pas un geste de réticence. Rien. Moi j'étais maman, donc j'ai laissé faire. Elle a raté, elle a failli. Trois mois après, elle était tombée mon pied. Elle m'a plaqué un peu, j'avais dit à l'esprit dans la tête. Salut, bonjour, c'était déjà énorme. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Le téléphone est 05 61 53 36 95. Vous pouvez également nous contacter sur canalsud@canalsud.net ou que sais-je, consulter le site. Ceci, c'est l'émission Nuisance avec Thirou. Thirou. Ouais, voilà. Je fais la présentation. Et un spectateur qui n'a que très peu participé et moi-même. Donc. Producteur de l'émission Nuisance. Souhaitons donc la bienvenue sur cette terre si vous venez d'arriver. Il vous reste quelques années à vivre, profitez-en tant que vous pouvez. La radioactivité faisant de vous quelqu'un de plus résistant et de plus fort que la génération d'avant. Vous pourrez également cracher du venin et pulvériser des pierres d'atomium avec les mains nues, quoi. Les mains nues, de peau, je veux dire. Vous pourrez vous dépecer vivant sans rien ressentir de douleur, je veux dire, à part le plaisir inhérent à une situation pareille de pouvoir se dépecer vivant. Et également, pourrez flatuler en permanence, comme une conviction rémanente, ou devrais-je dire immanente ou transcendante, peut-être, incidentelle et intrinsèque à votre condition de super-héros. Bienvenue sur cette terre, donc si vous êtes super-héros ou super-héroïne, ne faites attention quand même au dosage, super-héros et super-héroïne, vous risquez de faire mal aux gens en leur serrant la main. Bienvenue quand même, grandissez et vivez longtemps. Oui, très longtemps. Trop peut-être. Trop longtemps. Je ne sais pas. Personnellement, il n'y a pas que j'écris ma fatalité, mon chemin astral, pour leur dire que l'homme était éternel. Éternellement con, peut-être, l'homme. Non ? Que sais-je ? Qu'ai-je dit, peut-être ? L'homme, c'est OHM. Ou les HLM. Les HLM, donc, de la merde en boîte. Enfin, vous êtes de la merde en boîte. Oui, HLM. Je vois pas. Je vois vraiment pas. Il n'y a peut-être absolument rien à voir. Peut-être pas de vue, tout simplement. La prison, les barreaux, les volets fermés. Le VMC absent et le mitard. Donc le mitard permanent, quasi permanent, d'une mise en boîte sempiternelle. Je ne vois pas. Peut-être. Je ne sais pas. Le banc quand de thon, peut-être. Accusé d'un truc. De Morue. Ça débat. Ou de Moresque. Le banc de Moresque, peut-être. Est-ce cela l'application de la pressurisation de soi, peut-être ? La pression toujours omnipotente et flatulente. Je vois pas ce que tu racontes. Bah, peut-être rien. Je sais pas, la Moresque, c'est sous d'un Javel de Ricard. Tout à fait, mais, c'est comme le Javel, sauf que c'est du Ricard. Je sais pas. Je me suis permis de venir ce soir. Moi, hier, que je te raconte, j'ai été en train de pisser dans la rue. Il y a des immeubles en face. J'ai pris une lumière infrarouge sur les mains. Et j'ai pu me tirer une balle dans la tête si j'avais voulu. C'est ce que j'ai appelé la loi. Et n'importe comment, t'as les becs, si t'es pas content, si tu agis outrageusement vis-à-vis ce qui nous entoure, et en plus, je sais pas, j'ai donné à mes copines qui te parlent le droit de me tuer. Il y en a une, c'est Abyss. Je sais pas comment les exprimer. C'est dur. Pareil. Personnellement, c'est un film du Japon qui s'appelle Yakuza sur celle que j'aime, violée à non plus finir. J'ai écrit pas mal mon cutter sur mon petit doigt. J'allais me trancher. Là, le paradis pour qui je fais tout. Mani, non, t'as pas poté. Non, je me suis pas coupé. Sinon, c'est net. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Ouais. C'est ça que je veux entendre. Je sais pas. Quiconque a dans sa tête le Dieu qui lui parle, mais à tous les coups, pour que les guerres sur des clairs, etc. C'est un Dieu différent qui sont dans leurs âmes. Moi, j'ai la sensation de mon Dieu et ses créateurs de l'univers. Ma vie non plus n'est pas aimée. C'est quoi le problème? Bah j'ai la solution. C'est simple. Vous n'aimez pas la fondation de l'univers. C'est avec ça que je suis marqué. Et il n'est pas tout seul. Parce que à moi, on m'avait dit que tu parlais à personne. Peut-être un moyen. Mais en tout cas, ce qui compte à la fin, c'est le rien. Le nada. Ça, on n'est pas d'accord. Mon Dieu, mais calme-toi. Calme-toi. Non, c'est pas le rien, le but. T'énerves pas. Nada, je le connais aussi. Attention. Attention. C'est ma copine qui avait raison en me disant viens pas. Vu ce que tu racontes, ça m'étonne pas. C'est pire que tout, moi. Tu savais? Pire que tout. Disons que tout c'est mieux que moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non? Peut-être que je me trompe dans le ton. Excuse-moi. Non, tu es le bienvenu le ici. Tout, le tout se passera pas de toi. Bon. Je vais j'ai l'occasion de bien, bien voir les choses, même avec les ordures. Et même moi, qui ai dans l'os à cause de mes parents adoptifs, quand il y a le Dieu qui m'anime, par quatre heures, et disparaisse, j'étais pas trop d'accord. Non, mais pas ça quand même. Vraiment pas. Donc le Dieu qui t'anime, t'étais pas d'accord, c'est ça? Bah oui, mais là je suis entièrement d'accord avec toi, en effet, c'est venu sur ta gueule comme ça, c'est ça? C'est quoi? C'est venu sur ta tronche, c'est tombé sur ta tronche comme ça. Voilà, c'est un accident. Ça a débarqué. C'est un accident. Non. Le Dieu qui m'anime, on a comme rajouté sur moi et mon meilleur ami. On discute ensemble. Et le Dieu en question, c'est le mur. La vie, la mort, l'éternité, c'est moi que ça regarde. L'éternité, mais qui c'est qui veut vivre pour toujours? T'es fou? Pas d'accord? T'es fou? Non? Pourquoi? Parce que je veux pas. Être fou. Bah, au revoir. Bon, eh bien, vous étiez en train d'écouter Nuisance. Nous avons dépassé l'horaire de 10 minutes. Nous vous remercions de votre écoute. Merci à l'invité. Tu peux te présenter si tu veux. Je m'appelle Thierry Prévost, selon l'état civil. Mais en fait, non. Je suis le fils de monsieur Jean Perron, enfanté à la mère qui me prend pour le gosse qu'elle a mangé tout cru Enfin bref, plein de choses qui ne ressemblent pas à moi, ni à tout ce qui m'entoure. Si j'ai beau faire 5 tentatives de suicide, il y a tout quand même ce que j'aime bien qui m'entoure et que je ne suis pas trop d'accord avec. Heureusement. Ce serait chiant, sinon. Et ouais, ça serait chiant. Ça serait ennuyant surtout qu'on soit d'accord avec les tortionnaires. Ça serait vraiment magnifique. Vraiment. Mais c'est magnifique, il paraît. Mais ça m'intéresse pas, le magnifique. L'émission Nuisance nuit au sens, donc le brutisme pour ce qui est du son, la laideur pour ce qui est de l'esthétique en général. En général, donc, il faut un certain temps pour arriver à une optique pareille, peut-être un lot accidentel. La vie faisant tout ce qu'il faut, tout ce qui est méritoire. Méritons le refuge dans la vie ce soir, joyeusité, gaieté, soyons joyeux et gais, et jouons de nos corps avec nos bites et nos chattes, et ça fera plaisir. Merci l'invité, merci le public, merci moi-même, Al, donc, présentation, et à la prochaine. Ciao, ciao.